corrupted in my soul. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy. Cette semaine, on se gâte, on a une émission de 2 heures. Donc, Guy Tremblay peut pas être avec vous donc à partir de 21h. Donc, je vais continuer jusqu'à 22h. Je vous offre, comme à l'habitude, un bon 2 heures de musique que vous pouvez retrouver gratuitement sur Internet. C'est assez simple. Vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Donc, vous avez la playlist et vous avez les liens vers les artistes, vers les net labels, vers tout ce qu'il vous faut pour télécharger toute cette bonne musique. Donc, cette semaine, on va débuter avec un artiste originaire de Nice qui demeure maintenant en Suisse. Il s'agit de Nanodio. Je vous fais passer la pièce Back In. C'est publié sur Rocharm Recordings. Ensuite de ça, sur l'étiquette PicPac, c'est Seven Vortex, un artiste qui nous vient de l'Ukraine. Je vous fais entendre sa pièce Locust. Donc, on débute Web Musique tout de suite avec Nanodio. Cette merveilleuse musique glitchée vous venait de l'Ukraine. C'était l'artiste Seven Vortex avec sa pièce Locust. C'était publié sur PicPac, un net label à découvrir. Avant ça, de Nice, c'était Nanodio avec la pièce Back In, donc publiée sur Rocharm Recordings. Pour la suite de Web Music, je vous propose cette fois-ci un artiste de la ville de Kyoto au Japon. Il s'agit de Bonafat. Je vous fais entendre la pièce Obligate Community. On écoute ça tout de suite à Web Music. We'll be right back. une pièce très cinématique du japonais Bonafat. On dirait presque un film au complet, juste dans quelques minutes. C'était la pièce Obligate Community. C'était donc publié sur le net label Dystopiac. On va poursuivre l'émission Web Music avec un artiste publié sur Prout Records. Ben oui, Prout, c'est une étiquette française qui se spécialise dans des albums assez humoristiques. Ils ont toujours des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc, je vous fais entendre une pièce de l'artiste Batfinks. On va entendre ensemble la pièce de Rumble Killed. Vous allez voir, vraiment excellent. Please sit back, don't sit forward. I'm trying to look your way. For God's sake, don't sit forward. I can't hear what you say. And there's certain types of roses will never find their way. I know certain types of roses, we have something to say. And I left you on the corner trying to find your way. And I left you on the corner, 'cause you were just the same. And there's certain types of roses you.

Donc, un hip-hop vraiment intéressant que j'adore. Donc, beaucoup de bon matériel sur Black Lantern Music. Allez faire un tour. Ils ont beaucoup d'albums en téléchargement gratuit. Ensuite de ça, après Exodi, on va entendre un artiste qui vient de l'Angleterre. C'est Cousin Celeste. C'est publié sur BFW Recordings. Je vous fais entendre la pièce Sci-Fi Dub. Donc, c'est sur une compilation sur BFW Recordings. Une compilation qui mélange toutes sortes d'artistes qui ont fait donc une pièce, c'était le 7 avril dernier. Il y avait seulement une journée pour produire une pièce, puis ils ont fait donc une compilation avec tous ces artistes-là. C'est un travail incroyable. Donc, c'est ça. On va entendre Cousin Celeste tout de suite après Xodi, qu'on écoute tout de suite à Web Music. Bye. un peu de dub fort agréable de la part de Cousin Silas, un artiste qui nous vient de l'Angleterre. C'était la pièce Sci-Fi Dub, donc publiée sur BFW Recordings. Avant ça, de la Russie, c'était Exodi avec la pièce Alluring Place From My Dream, publiée sur Black Lantern Music. Pour la suite des choses, on se déplace du côté de la ville de Riga en Lettonie. C'est Bulimic Orgy and Mile qui nous offre la pièce Reverse of the Void. C'est publié sur Dusted Wax Kingdom. Ensuite de ça, sur l'excellente étiquette taïwanaise Sociopath Recordings, une étiquette qui est spécialisée dans musique drum and bass, musique un peu de tout ce qui entoure un peu le drum and bass. C'est un artiste de la Roumanie, The Ghost of 313. C'est la pièce Waking Breathless. Vous allez voir, vraiment excellent. On écoute Bulimic Orgy and Mile tout de suite à Web Music. Oh, Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL à l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un artiste qui nous vient de la Roumanie. Il s'agit de Ghost of Cree 13. C'était la pièce Waking Breathless. C'était publié sur Sociopath Recordings. Avant ça, de la ville de Riga en Lettonie, c'était Bulimic Orgy and Mile. On entendait la pièce Reverse of the Void, donc publiée sur Dusted Wax Kingdom. Un excellent netlabel qui vient de la Bulgarie. Donc, si vous êtes des habitués de web musique, vous entendez beaucoup de musique qui vient de l'étiquette Dusted Wax Kingdom. C'est parce que c'est excellent tout ce qu'ils ont à proposer. On va cette fois-ci aller écouter un quatuor du Japon qui se nomme Pistol Jazz. Il publie sur l'excellente étiquette Mimi. Mimi, c'est une étiquette qui nous vient du Japon et du Portugal. Donc, ils ont toujours des trucs assez intéressants à nous proposer. On va entendre la pièce de Pistol Jazz qui s'intitule Rude Blue Swallow Swing. Vous allez voir, c'est excellent. On écoute ça à Web Music tout de suite. 動かないで。このピストルは今あなたの心臓を狙っている。 アイスランドの男たちはとても勇敢で誇り高い。

de retour à Web Musique. Et non, vous n'êtes pas à l'émission Beau temps, mauvais temps. Guy Tremblay ne pouvait pas être là cette semaine, donc c'est Web Musique qui se poursuit pour la prochaine heure. On va écouter tout de suite un artiste de l'Autriche, de la ville de Vienne. Il s'agit de Tapiresque. Je vous fais entendre la pièce Opus 7. C'est publié sur Larry Day. Ensuite de ça, sur Chase Records, on va entendre un artiste des Pays-Bas, donc qui s'appelle Break Trails. Je vous fais entendre la pièce Countdown. Ça va suivre tout de suite après Tapiresque, qu'on écoute tout de suite. Thank you. run. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique, donc on entendait un artiste des Pays-Bas du nom de Break Trails avec sa pièce Countdown. C'était publié sur l'étiquette Chase Records. Avant ça, de l'Autriche, c'était Tapiresque avec la pièce Opus 7, publiée sur Larry Day. Donc, pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à l'émission, je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes les pièces de façon gratuite et légale. Donc, rendez-vous sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Vous pouvez aussi consulter la section programmation du site de CKRL. Vous allez retrouver l'émission Web Musique. Donc, vous allez voir là-dessus, vous consultez les liens qui vous sont proposés et vous téléchargez la musique. Ensuite de ça, ben, vous en parlez à vos amis et vous, donc, vous leur invitez à télécharger la musique aussi. Donc, c'est là pour ça. C'est gratuit. Donc, profitez-en. On poursuit avec un artiste de la ville de Tours en France. Il s'agit de Kanchi avec la pièce Détrivore. C'est publié sur Digital Pit. Ensuite de ça, sur Dust Wax Kingdom, on va entendre un artiste de la Hongrie, du nom de Kiss Zanto. La pièce s'appelle Jungle 8000. On écoute ça tout de suite après Kanchi.

De l'Italie, c'était Broken Spud avec sa pièce de Day Will Come, publiée sur Sustans Records. Avant ça, toujours de l'Italie, c'était Xenodrome avec la pièce Karma Comax, publiée sur Ephedrina. Donc, deux pièces vraiment excellentes. On va poursuivre avec, je ne sais pas si on a le temps, oui, une dernière pièce, peut-être, peut-être même le temps d'une autre. Bref, on va entendre tout de suite Dark Will, Break Masher. C'est un artiste de la banlieue de Moscou. Je vous fais entendre la pièce Illness. C'est publié sur deux netlabels en même temps, donc Mental Excitement et Arrhythmia Records. Donc une pièce, je crois que ça fait à peu près deux semaines que je l'écoute en boucle, vraiment excellente. On écoute la pièce Illness de Dark Will, Break Masher. Donc, de la banlieue de Moscou, c'était Darkwill Rakemasher avec sa pièce Illness, publiée sur Mental Excitement ainsi que Arrhythmia Records. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Comme à l'habitude, ben, je vous rappelle de visiter le site de l'émission, donc au www.webmusique.ca. Donc, si vous allez sur le site, vous allez pouvoir télécharger tout ce que vous avez entendu à l'émission. On se quitte sur une dernière pièce de l'Autrichien Photophop. La pièce s'intitule Dust Devil. C'est publié sur Larry Day. On se laisse là-dessus, puis tout de suite après, c'est Cabaret Diaspora avec Jean-Baptiste Hervé qui suit. Donc, restez à l'écoute. Encore plein de bonne musique à l'antenne de CKRL pour toute la soirée. On se laisse sur Photophob, puis je vous souhaite une bonne soirée à l'antenne donc, de CKRL. Bonsoir. CKRL 89.1 Québec.